Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. 18h. Il est temps pour vous de retrouver toute l'équipe de Destination Série. Aujourd'hui sur Fadjet, il est temps pour vous de découvrir l'avant-dernier épisode de la 23e saison de votre rendez-vous 100% série. Là maintenant, nous allons ouvrir ce nouveau numéro de Destination Série avec un nouveau mur des hits. Et attention, c'est une version spéciale aujourd'hui, puisque c'est la version, le mur des hits, la tablette du dessus. Donc, il est fier, hein, il est fier. C'est un concept, oui, c'est un concept franchement révolutionnaire. Vous allez choisir la case et en fait, selon la case que vous avez choisie, hop, on basculera sur celle qui est en haut. C'est pour rajouter un peu. Si vous avez la malchance de pas tomber sur Thomas, c'est pour on avoir. On en aura quand même en gros. C'est pour avoir. C'est pour avoir. Et là, Benoît est en train de se dire, c'est véritablement une arnaque, ce mur des hits. Et attention, le mur des hits. Le mur des hits sera bientôt à 23h. Le mur des hits, le mur des hits est d'une importance capitale aujourd'hui. Bien sûr, nous aurons le mur des hits. Le mur des hits, attention, je tiens à préciser une chose, c'est que le mur des hits revient à 7 cases. C'est bien. J'attendais un commentaire. C'est bien, non mais c'est bien, je dis c'est bien. Voilà, c'est moi, bien. Je m'habitue à rien, on passe de 4 à 22, alors je sauf sais que je vais la vous norme, c'est 7. Voilà, sauf que je vais vous distribuer des dés, et celui qui aura le plus de points, celui qui se rapprochera le plus du 6, pourra choisir la lettre D ou la lettre M. Et celui qui aura le plaisir de sélectionner la lettre, c'est lui qui sélectionnera l'artiste qui sera dans le mur des hits. Et bien sûr, l'artiste commencera par un D ou par un M, mais ça, on en reparlera dans l'émission plus tard. Je pense que le virus l'a vraiment atteint. Et tout de suite. Il va falloir faire quelque chose. On a perdu le contrôle, je pense. On a complètement perdu le contrôle. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. J'ai pensé à ça sur la route. Je me suis dit, ça serait trop bien. Benoît, j'ai changé un peu le mur des hits. Donc, dans quelques instants, malgré l'avis contraire, Sylvain choisira une case. Mais là, maintenant, nous passons de 7 cases à 4. Parce que c'était... 4 cases. Bah oui, mais du coup, on les écoute tous. Quel est l'intérêt? Ah, Benoît si tu réécoutes les émissions de Destination Série, tu te rendras vite compte que si on écoute 3, on a de la chance. Hein. Ouais, mais voilà, ça veut dire qu'on les écoute quasiment tous. Il n'y a plus ce côté un peu roulette russe de ton côté. Ah, mais si, ça augmente le suspense, puisque imagine, sur 4 cases, sur 4 cases, Benoît, oui. Hein, c'est le danger est encore plus chaud. Sur 4 cases, il y a un Tom Anders. Donc imagine, tu peux sur 4 cases te dire, j'ai eu grandement de la chance, alors que sur 7 cases. Bon, ouais, voilà. J'aimais bien mon mur des hits à 7 parce que je disais toujours le 6. Bah écoute, je te ferai un mur des hits à 22. Non, pas 22. Tout de suite, l'exagération totale. Bon, allez, 4, donc du coup, j'ai pas 6. Alors, je commençais toujours par le 6. Je sais pas si tu te rappelles, mais je commence toujours par le 6. Mais alors, du coup, je vais faire le 1. Entièrement piloté par l'excellentissime Laurent. Destination Série, ça commence maintenant. Pour tenter d'assister Laurent, Benoît, le rebelle de l'équipe, Manon accompagné de ses deux belles chevilles, et ne surtout pas oublier Sylvain, le stagiaire, qui fait vraiment ce qu'il peut. la pluie, il y en a encore. L'ordinateur est en PLS là. Ça y est, c'est bientôt la fin. Et ça se voit. L'ordinateur veut des vacances. Voilà, c'est l'avant-dernière émission de la saison. Mais ça part déjà un peu dans tous les sens. Et alors donc, bonjour. Déjà. Bonjour à toutes, oui, et bonjour à tous. Bonjour tout le et, monde. Ouais. Et donc je tiens à préciser plusieurs choses aujourd'hui pour démarrer ce 833e numéro. C'est que c'est l'avant-dernier numéro de la 23e saison. Qu'aujourd'hui, un événement incontournable, c'est le seul événement où il faut s'attarder aujourd'hui, c'est la Saint-Benoît. Merci. Donc aujourd'hui, saluer tous les Benoît, et nous on salue le nôtre, le meilleur d'entre tous. Merci Laurent. Il est à nos côtés, et aujourd'hui, vous l'avez compris, l'émission sera totalement barrée, puisque... À mon image, c'est ça. Non, c'est, ça fait plusieurs numéros que je me désole qu'on sabre, qu'on mette de côté le mur des hits. Ah. Donc aujourd'hui, nous allons mettre un focus sur ce fameux mur des hits. Création de l'année, n'oublions pas, c'est une découverte, c'est arrivé vers octobre-novembre, assez tôt dans la saison, mais pas tout à fait au début septembre. Pas tout à fait au début septembre. Vite. Et comme souvent, l'idée est venue, alors pas tout à fait du cerveau de Benoît, mais il a lancé l'idée. Hein, et à un moment donné, je me suis dit, mais on a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai eu cette fameuse idée. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je n'en sais rien. En tout cas, cette idée est arrivée. Et on a appelé ça le mur des hits. Alors, comme ça fait plusieurs émissions où le fameux mur des hits qui a un certain succès est mis de côté, j'ai décidé qu'aujourd'hui, voilà, on allait s'amuser et mettre en avant la rubrique que Benoît adore par-dessus tout, plus fort que la cible. Et comme aujourd'hui c'est sa fête, ça va être sa fête. Et comme aujourd'hui, on veut commencer comme d'habitude. Oui. Donc c'est pour ça que j'avais enchaîné les trucs, mais j'étais tellement mort de rire de mon pré-générique que j'ai zappé d'enlever l'automatisme. Donc aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. On va lancer le jingle du mur des hits. Et bien sûr, l'ouverture de case. Et pourquoi ouvrir le mur des hits, faire l'ouverture de case sans rien demander à Benoît? C'est tout simple, c'est d'une logique implacable. Le mur des hits, on l'ouvre toujours avec la case numéro 6. Et quand je regarde la case numéro 6, il y a quelqu'un qui a mis Tom Anders, Geronimo Scaliac. Ça tombe bien, le single vient de tomber aujourd'hui. Donc pour ouvrir ce mur des hits, voici la relecture de Tom Anders et Christian Geller du fameux tube des Modern Talking. Ça s'appelle Geronimo Scaliac. C'est le seul Tom Anders qu'il y aura dans l'émission, vous verrez après, c'est du pur mur des hits pour Benoît. Ah. Voilà, c'est l'info qui bouscule le mur des hits, ce n'est pas de ma faute. Bon, après, c'est la nouveauté, c'est sorti aujourd'hui ou hier, c'est aujourd'hui, c'est sorti ce matin. Ce matin, bah oui, quand j'ai vu ça, le compte à rebours hier sur Facebook, j'ai dit ça, on n'y coupera pas, mais bon, j'aime bien Geronimo Scaliac. Alors par contre, j'ai pas entendu, Moi non plus. Toi non plus, c'est vrai? Bah non, je suis arrivé à la radio, Jean-Luc m'a dit, c'est tombé, c'est tout frais, c'est tout chaud. Et donc, est-ce que c'est un peu remixé? Parce que, faut le dire, pour l'instant, les remixes sont pas... Alors, c'est pas vraiment du remix, hein, c'est une relecture. Après, il y a la version remix. D'accord. C'est un peu plus péchu. D'accord. Alors, si tu veux, je peux mettre la version remix. Alors, on va commencer déjà par la relecture. On se retrouve tout de suite après pour le presque cette actu. Touch your heart. Avec Tom Anders, on continue notre voyage au sein des années 80 et des tubes de Modern Talking. Et cet album sera rattaché au mois d'août, à la mi-août, avec la ressortie, la relecture de In the Middle of Nowhere. Et là où sera Benoît, je viendrai le voir pour lui faire écouter ce que donnera ce bel album. À la mi-août. Tout de suite, sans perdre une seule seconde, puisque là on a un programme chargé, surtout à la fin. On a le season final du Manon Série Quiz. Et oui, oui. Et avec une nouvelle fois un trophée pour ma pomme. Donc voici tout de suite le presque cette actu. Cette actu avec Laurent et Benoît. Alors. Et Benoît, on commence cette actu avec l'info qui est tout en bas du tableau. Oui, ça se bouscule au Camping Paradis. Ouais, ouais, Véronique Jeannot, Thomas Dacosta et plein d'autres de nouvelles personnalités arrivent au Camping Paradis. Vous en avez déjà vu, hein. Si vous êtes fan depuis le 30 juin, vous avez vu arriver Natacha Saint-Pierre, notamment le 30 juin. Il y avait eu Léo Mattei. Enfin, il y avait eu. Comment il s'appelle ? Pas Léo Mattei. Georges Creshman. Qui était passé également. Lundi dernier, vous avez vu Mélanie Audran. Oui. Mélanie Maudran, pardon. Mmh. Star d'Un Si Grand Soleil, qui est aussi passé. Il y en aura d'autres encore, puisque le 14 juillet, ce sera au tour de Clémence Lassalas, déjà paru dans le spin-off de Monsieur Parisot, de revenir dans une nouvelle aventure aux côtés de Pierre Denis et Thomas Dacosta, que l'on a vu dans Ici Tout Commence. Vous verrez également Véronique Jeannot. Il me semble qu'on l'avait déjà vu, Véronique Jeannot, non ? Elle revient ? Semblait, non. C'est pas du côté de Demain nous appartient qu'elle avait pointé le bout de son nez. Si, mais jamais dans Camping Paradis. Il me semblait l'avoir vu, donc peut-être. Oui, en tout cas, oui, c'est vrai. En tout cas, elle était dans DNA, c'est vrai. Oui. Véronique Jeannot, Sabine Perrault, Marie Fugain, Alexis Loret, Alexandra Naoun, Laurent Omeldo. Un casting alléchant. Pour des audiences au top. Exactement, parce que ça, c'est clair. Mais enfin, voilà. Quand c'est l'été, que TF1 nous met des inédits de Camping Paradis. Je ne veux pas plagier quelqu'un, mais j'ai envie de dire, j'achète. C'est le moment où on a envie de regarder des trucs légers, sans se prendre la tête. Sans coup de théâtre. Sans Boudère aussi. et donc... Boudère, il pourrait pointer le bout de son nez aussi, oui, pourquoi pas. Il pourrait également pointer le bout de son nez. En tout cas, voilà, ça marche bien, c'est des inédits. Tant mieux. Pour Camping Paradis. Tant mieux. On aurait pu vous parler de Michel Larocque qui rejoint le casting d'une série américaine. On aurait pu vous parler de Julianne McMahon qui est décédée à l'âge de 56 ans. On aurait pu vous parler de Nouveau Jour qui continue de boire la tasse. On aurait pu vous parler aussi de la nouvelle série de Gigi Abrams qui est déjà annulée. Vous pouvez retrouver ces infos sur samedi.fr. Il en faut deux, la Laurent, je sais pas ce qui se passe. Non. C'est d'où le presque. C'est oui. Là le presque, cette actu. Vous pouvez retrouver tous les liens de ces infos sur samedi.fr. Samedi avec un C. Une fois que j'ai lu les trucs. Mais tout de suite. Mais tout de suite, on ne rigole pas. Non. Et il n'y a qu'à la dernière qu'on respecte le timing. Alors Ginette, la dernière, c'est la semaine prochaine. Hein, mais la dernière du Manon, c'est vrai que je parle. Oui. Mais alors, le Manon, c'est récuit, c'est une chronique. Hein, il faut qu'elle arrête avec ses chevilles. Là, parce que là... Mais je disais hors antenne à Sidin pour une fois que j'ai lu tous les articles avant. Tu ne l'as pas dit hors antenne, vraiment, on l'a entendu. Eh bien, Benoît, je te donne 3 minutes pour faire un résumé de toutes les infos. Non, c'est bon. Alors, tu as donc cliqué sur la case 6. Maintenant, il faut que tu cliques sur d'autres cases pour choisir ta chanson. Et pourquoi c'est encore lui ? C'est sa fête aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est sa fête. C'est lui le roi. C'est lui qui va gagner le Manon Série Quiz. T'as rien suivi. Et donc, ça fait plusieurs fois que son mur d'élite est squeezé. Donc, c'est lui qui pilote entièrement aujourd'hui. J'ai peur. Alors, je vais dire le 1. Parce que je suis... Il a suivi sa fille. C'est le 11 et que... Sur la case numéro 1. Oui, et là, c'est vraiment la case 1. Il n'y a pas de... Alors, disons qu'on clique sur la case numéro 1. Non, mais c'est pas truqué. Non, je le sais. On clique sur la... J'y crois. Le fonctionnement existe depuis... J'aurais pas dit 6 tout à l'heure, par exemple. J'aurais pu m'entêter et dire non, pour une fois, c'est ma fête, je change de numéro. On aurait quand même eu les Modern Talking. Ah bah oui, parce que c'était Manders, il était dessus, donc voilà. Bref, allez, continuons. Donc, alors, dans la case 1, nous avons... Dans la case 1, nous avons elle est ouille. Elle est ouille. elle est ouille, elle est ici ouille. Elle est là. Céline Dion. Elle est là. Ah, l'hymne à l'amour. Ah là, ça nous ramène un an. Ça nous ramène il y a 11 mois. Voilà, donc je ne pouvais pas ne pas mettre dans le mur des hits aujourd'hui, vu que c'est ton mur des hits, c'est ta journée, c'est ta fête. Je ne pouvais pas passer à côté de ce titre qui a marqué une période que tu as adorée l'année dernière. Les Jeux Olympiques de Paris, toute l'ambiance. D'ailleurs, elle est retournée à sa place, hein, la flamme. Oui. Elle est retournée au Jardin des Tuileries. Si vous passez à Paris, vous pourrez l'admirer pendant tout l'été. Merci les organisateurs, merci la ville de Paris d'avoir replacé pour quelques mois. Je ne pense pas qu'elle va durer longtemps, mais pour moi, pour cet été, vous pourrez revoir notamment ce superbe ballon dirigeable qui nous a enthousiasmés l'été dernier. Et comme Céline Dion, qui était montée à la cérémonie d'ouverture, rappelons-le, sous la flotte, sous les grandes eaux de Paris, elle chantait l'hymne à l'amour. C'était le 20, j'ai plus la date exacte, c'était le 23, 26, 27, enfin c'était fin juillet. C'était en haut de la Tour Eiffel, voilà. C'était en plein mois de lors juillet. Lors de la cérémonie d'ouverture. Et on a vécu une parenthèse enchantée à ce moment-là. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Dans l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Thank you. très belle chanson. C'était le 28 juillet, la cérémonie d'ouverture. Voilà, j'ai recherché dans mes petites notes. On n'entendait pas la pluie, là, cette fois-ci. Ah non, on n'entendait pas la pluie, mais il pleuvait pourtant. On a filtré, on a filtré. Ah, okay. On a mis un parapluie. Qu'est-ce qu'on fait pas avec l'IA? Oui, on fait tout avec l'IA. Et là, justement, l'IA. Ah ben, on va la mettre de côté, l'IA, parce que là, tout de suite, sans perdre un centième de seconde, voici Secrètement Vôtre. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique Secrètement Vôtre, présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement Vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Secrètement Vôtre. Alors j'avais plein d'infos aujourd'hui concernant Leonard Nimoy de Matthew McConaughey. J'avais vraiment plein de choses à vous raconter, plein de secrets, plein d'anecdotes. Mais je crois qu'on a des choses très urgentes là. Il y a une alerte, je crois, du mur des hits. C'est vraiment n'importe quoi cette émission. J'adore. C'est tout en surface. On fait genre. C'est pas n'importe quoi, non, aujourd'hui, c'est la Saint-Benoît. C'est la Saint-Benoît. C'est le seul événement de la journée important. Donc c'est la Saint-Benoît. Donc Benoît, tu choisis une nouvelle fois ta case. Alors, je me mets sur le mur des hits. Il reste les cases 2, 3, 4, 5 et 7. Eh bien, 1 plus 1 égale 2. Je vais dire donc 2. Donc nous faisons la case numéro 2. Et si nous faisons la case numéro 2, ça nous met, ok. Alors je ne sais pas si ça va te plaire, mais en tout cas ça donne ça. Calogero. Ça te plaît ou pas? Oui, j'aime beaucoup Calogero. Eh bien voilà, voici Calogero. Alors dans le mur des hits, ça ne fait pas partie de tes chansons, il y a d'autres pépites qui sont pour toi, dont des chansons que tu nous as mises en avant. Et celle-ci, voilà, je me suis dit, mais si ça te plaît aussi. Ah oui, non, Calogero, voilà. J'ai déjà été voir plusieurs fois Calogero en concert, donc sinon je suis fan de Calogero, effectivement. D'accord. Maintenant, nous sommes de la même mère. des images aux 20h qui m'avaient bouleversé. Cette main tendue, je l'ai donnée juste en pensée. Je sais, c'est une goutte d'eau dans une mer traversée. Traverser des drames ou bien traverser des fleuves. Traverser des mers ou traverser des épreuves. Sans distinction de nation, de couleur, de classe. Un homme à l'eau, c'est toute la terre qui boit la tasse. Il en fait de belles chansons, Calogero, mais alors celle-ci, elle est d'une puissance, d'une incroyable puissance, et ça me permet de dire qu'on vit vraiment une triste période quand on voit tout ce qui se passe de par le monde. Tout de suite dans Destination Série, voici le Rétroviseur 2.0. Le Rétroviseur 2.0. Alors, comme chaque semaine, le rétroviseur 2.0. C'est le rétroviseur 2.0. Ah, le mur des hits maintenant. Qui sait, ça va peut-être être ça, fais gaffe. Eh bien, non. C'est le moment où. C'est le moment où je vous perturbe. De mémoire d'animateur dans cette émission, je n'ai jamais vu un rétroviseur à 18h30. Moi non plus. C'est une grande première. Et il faudra attendre le 11 juillet pour voir ça. Et là, pourquoi respect total au rétroviseur. Aujourd'hui, c'est la Saint-Benoît. Et qui a créé le rétroviseur? C'est moi. C'est Benoît. Donc, respectons le travail du maître des jeux. 2 heures de rétroviseur. Il ne se sera jamais fait autant saucer dans une seule émission. Bref, j'ai l'habitude, j'ai le dos large. C'est positif. C'est là. Positif. Merci. Une fois que je ne sors pas des vannes pourries. C'est vrai. On a tenté un rétroviseur 2.0. Il y a plein de choses. On a eu quoi avant? On a eu le. Quand ça s'était rallongé là. Comment ça s'appelait? On avait créé après le rétroviseur le. On avait créé un module où il y avait le rétroviseur et il y avait un autre truc qui prenait en compte les audiences de Demain nous appartient, d'un si grand soleil aussi, et de Plus belle la vie. Ouais. Ah ouais, c'était compliqué. Donc, c'était un truc de dingue. Ouais. Et en fait, tout le monde était classé en fait. On passait une demi-heure à dire les classements et on est revenu après à l'essentiel. Et trop de chiffres, tous les chiffres, à un moment donné, on s'est dit non, mais là, il faut rétro-pédaler. Voilà. On est parti en cacahuète. Donc, on est revenu à l'essentiel du rétroviseur. Nous l'avons appelé le rétroviseur 2.0. C'est une nouvelle version. Et là, il faut me trouver parmi les 15 audiences de la semaine, les 5 séries qui ont cartonné. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le temps de passer en revue les 15 séries qui ont cartonné. Oui, parce que là, comme on est un peu en avance, on aurait pu le faire, les 15, ouais. Et donc là, on va s'arrêter aux 5, non, parce qu'on a des priorités aujourd'hui, tu plaisantes. Et c'est en vrai. Plus, on a le final, le season final du Manon Série Quiz. On sait pas combien de temps ça va nous prendre. Non, on ne sait pas. Surtout... 20 minutes. donc là, je vais vous donner le casting comme chaque semaine. Et à vous de me remettre tout ce petit monde dans le bon ordre. D'accord. Alors, qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, qui est cinquième, c'est à vous de me le dire. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons à l'instinct le... Ah non, je me trompe de page. C'était la semaine dernière. Parce qu'en fait, je savais qu'il y en a une qui allait essayer de lire. Donc je vois pas de quoi tu parles. Donc j'ai pas mis la bonne page. Et, parce qu'il y en a une, une petite comique. Donc aujourd'hui, nous avons, bien sûr, Camping Paradis. Benoît en a parlé. Mmh. Nous avons Enquête au Paradis. Nous avons OPJ. Le retour de OPJ dans le rétroviseur. Vanina, meurtre à Sicile, meurtre en Guadeloupe. Alors, qui est cinquième cette semaine? Moi, je peux faire une supposition. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Je les ai mis dans l'ordre. Ah, c'est sûr que tu les as mis dans l'ordre. Okay. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, ouais, je la sens bien, celle-là. Histoire de gagner du temps. Vous avez le nez, franchement. Alors, qui est cinquième? Bah, le dernier que t'as dit, du coup. Le dernier que j'ai dit. J'ai la mémoire courte, donc je m'en rappelle pas. Enquête à... Non, c'était quoi? Vanina, non? Vaninana veut meurtre en Sicile, le dimanche sur France 3. Ouais. Donc vous dites que c'est cinquième. C'est cinquième. C'est pas ça. Ah. Oh non, bah ça aurait été mieux ma supposition. C'est déjà un truc là. Bah ouais. Non, la mais théorie, tu crois que je vais faire des trucs bateau pour l'avant-dernière? Non, ça va pas. Non, je sais pas, parce que Camping Paradis, ça me paraissait bien en première position. Oui, oui, oui. Au PG alors peut-être. Au PG. Camping Paradis, pourquoi toujours premier? Non. Bah si. Hein si, c'est bien. Hein ça a bien cartonné, hein. Ah ouais. C'est les vacances. Ok, ouais. C'est les vacances, oui. Alors, qui est cinquième? Au PJ. Au PJ, alors? Ah non, au PJ, ça marche bien. Non, c'est deuxième au PJ. C'est à l'envers, peut-être. Bah non, si ça veut dire que Camping Paradis, c'est dernier, donc bon. Non, mais je veux dire, non, je verrais bien au PJ deuxième, parce que... Ouais. Ouais, grand retour de... Alors, Camping Paradis au PJ... Donc après, il reste quoi? Il reste les... Meurtra, c'est pas là. Vanina, donc Vanina, on va le mettre en... En 4. Ouais, en 4. Plus haut. En 3, on va mettre Meurtre, le truc au paradis, là. En 3. Ouais. Et puis celui qui reste en 5, bah, enquête à. Enquête au paradis Meurtre au paradis, enquête au paradis. Non, meurtre au paradis et donc enquête au paradis en 5. Donc enquête au paradis en 5. Ouais. C'est ça. Il les a dans l'ordre, ça se trouve. Enquête au paradis, non mais de toute façon, il est bon. Hein, j'allais dire, il triche, il allait dire. Hein? Non, t'allais dire, il triche. Non, j'ai pas triché. Alors là, pas non. Aujourd'hui. D'accord. et ni dans les autres émissions. T'as toujours eu les bons scores. Oui. T'as toujours eu les bons scores dans le rétroviseur. Bon, non. Ça marche. Bon, il y a des fois, si, quand même, tu dérapes un peu. Des fois, je dérape un peu. Tu vas chercher, soi-disant, des infos, machin, mais voilà. Donc là, c'est bien, enquête au paradis. Ne nous le rend pas ronchon, là, s'il te plaît. Diffusé sur France 2 lundi dernier, qui a donc dépassé la barre des 2 547 000 téléspectateurs. Donc la série est en cinquième position. Qui est quatrième? Donc j'avais dit Vanina. Vanina, ouais. Alors Vanina, non. Ah, zut. Vanina est au moins troisième, bah dis donc. T'as mis quoi en troisième? Bah, meurtre... Meurtre au paradis. Paradis au paradis, ouais. Alors, meurtre en Guadeloupe. En Guadeloupe. Meurtre en Guadeloupe. Oui, meurtre en Guadeloupe. Alors, meurtre en Guadeloupe est quatrième, à 2 872 000 téléspectateurs. Ouais, en troisième... Vanina. Donc, Vanina. Vanina, meurtre en Sicile, est bien troisième, à 2 994 000 téléspectateurs. Enfin, ça vole presque 18% haut, hein. Par de marché. Ah oui, mais là... C'est... De toute façon, depuis la fin de C8, les audiences de la TNT, c'est une catastrophe. Hein. Quand tu regardes de bout en les audiences, tu te dis que les gens ils sont sur les plateformes. Donc on est sur Vanina, après... Après, oui, donc au PJ ou... Mais au PJ... C'est le retour peut-être? C'est le retour, au PJ ça marche bien, alors j'ai moi, pas... Je le vois pas premier. Bon non, on va rester sur Camping Paradis, mais ça pourrait être l'inverse. Mais on va croire en notre paradis, en notre camping. Donc au PJ est deuxième. Ouais. OPJ est deuxième. Si il pose la question, il est premier OPJ. OPJ est deuxième. Je dis premier OPJ. Et deuxième OPJ. T'as une tête de fouine là. Hein? Tu nous fais douter. Deuxième là, Camping Paradis. T'es pense... mal barré toi pour la saison prochaine. Hein. Non, mais je pense donc, que... Donc OPJ est bien deuxième à 3 322 000 téléspectateurs. Donc il y avait tout juste une, voilà, une petite inversion. À la fin. Mais Benoît, depuis le début, a bien raison. C'est Camping Paradis qui est en pole position à plus de 4 millions de téléspectateurs. 4 59 000 téléspectateurs, 22% de part de marché, c'est énorme. Non, c'est, oui, pour l'été, oui. Et quand on voit la concurrence, c'est quand même excellent. C'est excellent, et quand on voit les autres séries qui sont diffusées et qui coûtent certainement plus cher à produire par rapport à Camping Paradis, on se dit que là, au niveau des audiences, c'est assez, assez magnifique. Mais c'est le moment, quand on nous passe du Camping Paradis l'été, voilà quoi. C'est la bonne époque. On a essayé de Camping Paradis un peu à toute heure, c'est comme les meurtres au paradis. Oui. Ça faisait un carton sur France 2 l'été. Oui. Ils ont commencé à... Enfin, ça marche encore, faut dire, quand même. Mais un peu moins que quand c'était l'été. On est d'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté du rétroviseur 2.0. Et là maintenant, Sylvain, nous retrouvons... Nous retrouvons maintenant le mur des hits, bien sûr. Il a hésité, je sais pas pourquoi. Je m'attendais au m'annoncer avec Cuisine en vérité, mais non. Qui a hésité? Sylvain. Et en tout cas... Hésité entre les oui, deux. Oui, oui. En tout cas, ça claque, hein, les jingles, tout ça, ça part. D'habitude, ça coince toujours un peu. Là, c'est... Ah bah, j'ai demandé à Jean-Luc qu'il fasse une révision de l'ordinateur. Ah, là, et je suis arrivé à 16h, j'ai fait du yoga avec lui, et on arrive à ce résultat. Avec Jean-Luc ou avec l'ordinateur? Avec l'ordinateur. Non, parce que Jean-Luc, je m'entends bien avec lui, mais l'ordinateur, il a des soucis. Bah, hein, ça pourrait être sympa de faire du yoga avec Jean-Luc aussi. Ah bah, ça serait certainement plus sympa, parce que lui, il est quand même assez réfractaire, hein, Georges numéro 2. D'accord. Donc Benoît, il nous reste les cases 3, 4, 5 et 7. On va aller au 7. Nous allons au 7. Donc qui dit case 7 dit ouverture de case. Et si je regarde mon petit calepin qu'il faut que je retourne. Pourquoi il a l'air suspect Il cache un truc. Ouais. Alors oui, c'est bien ça. Parce que je... alors là, nous arrivons sur un titre. Ah. Il n'a pas été diffusé en avant-première dans Destination Série. Là, on arrive sur un titre, que c'est Benoît qui a trouvé. Et là, moi, parce que je suis où? Ah, je suis dans l'habillage, c'est normal. Donc, il faut que je reparte. Là, on est sur un titre que c'est Benoît qui nous l'a proposé en avant-première. Et ça rejoint une histoire où Benoît, à ce moment précis, nous avons dû du rêve. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, punaise! Ils sont tous en train de regarder, ben là, oui. J'ai pas encore mis. Ça sent l'Eurovision, ça. Oh, oui. Punaise, cette année, ça va être quelque chose. Eh ben oui, c'est mon groupe Cage, mon groupe qui était norvégien, qui concourait pour la Suède. Ils ont quand même fini 3 ou 4e, 4e, je crois. C'est pas oui, Sona, oui. Ça, c'est pas Sona. Si. Ah, Baraba et la Bastou. Voilà, alors c'est un titre, moi je l'aurais jamais sélectionné, hein, et en fait je l'entends dans Ça ira mieux demain, et tout de suite j'ai envie de le proposer. Un sonar en été, c'est bien. Oui. Oui, c'est vrai, parce que là en ce moment on se les gèle. Noia. Klockan slår, nu är det dags. Albert Kymberg försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra. Som tango med Arja Sayoma. Yksi, kaksi, kolme, sauna. Vi ska vara bastu, bastu. Ångor upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder. 100 grader nöja. Les paroles, je suis impressionné. Non mais franchement, je regrette que ce titre n'ait pas gagné l'Eurovision, parce que celui qui a gagné, on n'entend pas trop parler, voilà, c'est un peu dommage. Hein, moi, t'as pris le suédois en attendant. Voilà, du coup, voilà. Et ça aurait fait un super tube de l'été, ça. Ça sur les plages, là, un peu comme l'avait à l'époque les... Il y avait un titre un peu comme ça de... Comment ça s'appelait il y a une dizaine de 20 ans, là. Oh. Ça voulait rien dire, les paroles. Oui, c'était du yaourt, là, je sais pas quoi. Oui. Et ça avait fait un gros carton, ça. C'était des Roumains, je crois. Mais là, c'est laquelle, là, qui est sortie de l'Eurovision, là. On nous a fait tout un plat avec elle. Elle en a sorti un deuxième tube. Ça a été un succès interplanétaire. Et c'est vrai que ça... Bah oui, et d'autres titres, ça n'a pas émergé. Alors, je parle même pas du gagnant. Laurent. C'est assez bizarre cette année. Celui qui a un peu plus cartonné, alors qu'il n'a pas gagné, il était 3 ou 4e et qu'on l'a vu un peu dans les classements, c'est Espresso Macchiato. C'était un pays Lituanie, je crois. Il devait représenter la Lituanie et qui se moquait un peu de l'Italien. Des Italiens. Il y a celui-là qui est un peu sorti, qu'on a vu un peu dans les classements un peu partout. Et puis nous, Louane, elle est repartie dans son bac à sable. Et puis Louane, ouais, qui n'a pas. Jouer. Elle passe à la radio quand même. Elle passe à la radio, mais. Oui, elle a passé à la radio, oui. Puis elle n'a pas fait un carton comme elle fait des fois. Avec des... Alors que pourquoi pas, la chanson, c'est quand même pas mal. Bah, oui. Sortie de l'Eurovision, elle aurait pu cartonner. C'est... Le marché du disque est très étrange. N'allez surtout pas regarder le classement français parce que c'est... Ça pique un peu. Hein. Si vous n'êtes pas fan de rap et consoeur, ça fait mal aux oreilles. Alors moi, je suis pas trop touché par le marché du disque français. Moi, je suis vraiment attaché au marché du disque allemand. Oui. Et je vis une année de dingue. Alors attention, là maintenant, l'instant moment. Est solennel. Oui, parce que... Alors, et en plus, il est triste. Déjà que pendant toute l'année, il a fallu se battre pour la faire venir dans les studios. Mais là, aujourd'hui... N'importe quoi, c'est pas possible. Mais là, aujourd'hui, en plus de ça, c'est la dernière. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on n'entendra même pas sa douce voix. Et on ne verra même pas passer ses beaux mollets, ses belles chevilles qui n'enflent jamais. Donc, appréciez cet instant. C'est le season final du Manon Série Quiz saison 2. Et le sacre. Et le sacre. et le sacre de qui, hein, on se le demande. Et en tout cas, je ne lui ai pas demandé, mais de toute façon, elle n'a pas le choix. La saison prochaine, elle sera de nouveau avec nous. Autrement, je vais la chercher en bas de la côte, puisque normalement, la saison prochaine, elle ne sera plus en haut du château, mais elle sera près de l'écluse. Donc, j'irai la chercher à l'écluse et je la ramènerai à Fadjet. Elle a changé de standing. Là. Si tu continues à me parler comme ça, je ne reviendrai pas. Donc, fais attention. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Parle à mon pied. Mon oreille est malade. Voici le Manon Série Quiz, le dernier épisode de la saison. Destination Série, le Manon Série Quiz. Effectivement, c'est le dernier épisode du Manon Série Quiz. Je pense qu'on va tous pleurer aujourd'hui. Alors pour clôturer, je me suis dit qu'il fallait remettre le prix au gagnant. Mais qui est le gagnant? C'est la grande question, vraiment un grand, grand suspense. Alors je crois qu'à l'échelle de l'univers, le suspense n'a jamais été aussi grand. Ah bah là... Parce que tu peux le dire Manon, j'étais en tête tout le temps cette année. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut lui faire confier ses chevilles à lui aussi. Non mais bon, voilà. Mais tu es sûr, il a été en tête tout le temps. Oui tout le temps. Oui, oui. Ah ouais. Quelques fois, ça a été... De septembre jusqu'à maintenant, il était tout le temps en tête. Ah bah, fallait te remettre en piste là, mais t'as pas voulu, donc voilà. Non mais moi, j'ai un doute. Non, t'es sûr de toi? Non, je suis sûr. Ouais. Il était tout le temps en tête. Non mais il faut le souligner. C'est vrai, c'est vrai. L'année dernière, c'était Laurent, avec 41 points contre 33 pour Benoît, qui avait gagné. Et moi, la saison précédente, j'avais été tout le temps en tête. Presque. Sauf le premier. Non, presque, oui. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Oui, j'avais réussi à revenir à un moment donné, et puis hop, j'avais de nouveau dérapé, et il m'avait mis, combien, 10 points de... Oui, il y avait un bel écart. Hein. 41-33. Ah oui, presque, voilà. Donc la saison prochaine, le challenge de Sylvain, c'est d'être lui aussi tout le temps en tête. Plus le choix, je crois. Ouais. Voilà. Bah là, c'est clair. Voilà. Mais là, ça sera plus compliqué, parce que les points vont se répartir à 3 personnes. Ah. On est d'accord. Donc il faudrait une quatrième. Pourquoi? Donc on va demander à Benjamin d'intégrer l'équipe. Mais j'en l'attends depuis longtemps, Benjamin. Benjamin, en fait, c'est d'Arlésiane, il n'existe pas. Benjamin, en fait, n'existe pas. En fait, c'est son IA qui l'appelle Benjamin. Non mais ouais. Benjamin, il a failli venir. J'avais une histoire en or avec le culottage des poils en acier. Et en fin de compte, l'histoire était torpillée. Je suis sûr qu'il n'existe pas. Benjamin, il n'existe pas. Ah bah dis donc, tant que je le verrai pas, je le croirai pas. Qui c'est qui me conduit le lundi, le jeudi à mon travail? S'il n'existe pas, je suis sur la route. Peut-être c'est ta voiture que tu as appelé Benjamin aussi. Ben oui. Ah oui, donc je l'ai appelé Kit. Et là, normalement, Kit, elle est pare-balles, mais elle s'est pris un caillou. Et là, j'ai le pare-brise fondu. Donc, j'ai retourné. Oui, oui, déjà je vais retourner voir Devon pour lui dire que là, j'ai un problème avec Kit, là, parce que j'ai le pare-brise qui est frôlé. Voilà, on connaît l'avis de tout le monde sur cette radio. J'espère que vous êtes contents dans votre voiture. Donc bref, comme on l'a compris, c'est Laurent qui remet sa couronne aujourd'hui. Mais avant ça, je me suis dit qu'on pourrait quand même une jouer une dernière fois. Il n'y a pas vraiment de points à cette question, puisque... Donc il n'y a pas de super banco non plus. Voilà, il n'y a pas de super banco non plus. Non, j'y croyais. Allez, mais la question à 100 points. Voilà, une question à 100 points. La chanson est déjà prête, donc c'est si ça, c'est pas possible. Ah, je m'en fous, moi j'aurais joué. Donc voilà, on va clôturer en beauté par une charade comme on les aime. Ah. Est-ce que vous êtes prêts, détendus ? Oui, je suis prêt et détendu. Ok. Mon premier est le bruit que fait un mouton. Mon second est le fruit du noyer. Mon troisième est un vaste terrain servant à la culture. Mon dernier est la chose manœuvrée quand on joue à l'échec. Mon premier est le bruit que fait un mouton. Le doigt champion. Exactement. Wow. La dernière charade. J'ai cherché loin à celui-là. Ouais, parce que j'avais le Benoît, mais après je... Un champ et des pions. Bravo. Donc c'est Sylvain qui a gagné, c'est ça. C'est pas le super banco, toujours pas. Heureusement que j'ai pas mis de points sur cette question, puisque c'est Sylvain qui a gagné. Laurent, je donne tout, hein, c'est la dernière, je donne tout. Il est bouche bée, Laurent. Vrai, moi j'étais resté à Benoît, après je... Donc voilà, Benoît est bien le champion de cette saison. Il remporte la deuxième saison du Manon Série Quiz. Laurent, on va donc passer le flambeau dans quelques instants. Merci. Mais avant, j'aimerais qu'on se remémore la finale de l'année dernière. Parce que surtout la surprise de Laurent. Est-ce que tu as déjà entendu la chanson de Laurent? C'est un peu moins déjà. Non, j'aimerais bien la réentendre peut-être. Elle était bien. Donc, j'avais fait les paroles d'une chanson. Surprise totale, là, on était... J'avais réussi à avoir quelques petites larmes d'ailleurs, non ? C'était pas ça ? C'est un vague souvenir en fait de ce truc-là. Oui, ouais. C'est vrai que c'était... Cette chanson, je l'avais appelée Laurent le Winner. Et ça donnait ça. Dans l'émission du Manon, c'est Rick Chase. Laurent, c'est lui qui brille, pas de surprise. 41 à 33, il a explosé Benoît. Des séries TNT, aux plateformes il est roi. Laurent, t'es le champion des séries. T'as défoncé Benoît, c'était juste une formalité. T'es générique aussi, t'as surtout tout compris. Laurent, tu es notre génie. Benoît pensait pouvoir rivaliser, mais face à Laurent, il s'est fait laminer. Chaque chronique, chaque question, Laurent était prêt. Il en mourait à tous qui étaient le vrai expert. Laurent, t'es le champion des séries. T'as défoncé Benoît, c'était juste une formalité. Des génériques aussi, t'as sûr de tout compris. Laurent, tu es notre génie. Il a répondu à toutes ma méputure. Avec une aisance, une maîtrise pure. Il connaît chaque réplique, chaque générique. Laurent, le roi des séries, c'est fantastique. Et surtout, Laurent n'a jamais triché. Contrairement à Benoît qui a tenté. Avec fair play, Laurent a gagné. Chaque victoire, chaque point, il les a mérités. Laurent, t'es le champion des séries. T'as défoncé Benoît, c'était juste une formalité. T'es générique aussi, t'as sûr de tout compris. Laurent, tu es notre génie. Alors bravo Laurent, tu l'as bien mérité. T'as gagné 25 chroniques, c'est toi le vrai héros. Dans le Manon Série Quiz, tu restes invaincu. Laurent notre champion, on ne l'oubliera plus. Eh oui, c'était déjà il y a un an, ça passe vite hein. Bon, alors comme vous l'aurez compris, j'avais écrit les paroles de cette musique, mais ce n'est pas moi qui chante, parce qu'avec ma voix de casserole, ça aurait été vraiment compliqué. Cette année, c'est toi qui chantes. Non plus. Dommage. J'aurais pu la faire au piano, remarque, mais non. Cette année, j'ai voulu quelque chose de dansant, qui est un peu différent de ce que j'avais pu faire la dernière fois, parce que j'avais vraiment été très très gentille avec toi, Laurent, hein, je m'en suis vraiment remarqué en la réécoutant. Et donc, quand voilà. T'avais plus de respect à saison 1, là, cette saison 2, laisse tomber. Effectivement, je me suis un peu relâchée. Du respect. Mais du coup, voilà, j'ai refait une musique pour Benoît cette année, parce que sinon, il aurait été jaloux. Et, il a surtout gagné. Hein. Oui, surtout, il a gagné, effectivement. Et alors, juste une petite remarque, je pense qu'on l'a aussi entendu dans cette chanson, mais Lia a vraiment du mal à prononcer quelques petits mots. Quiz. Voilà, effectivement, donc c'est pareil pour cette chanson, il y a quelques petits mots qui bloquent, mais sinon, voilà. Juste avant, est-ce que Laurent, tu veux faire un petit discours ? Je t'ai demandé il y a 5 secondes, mais je sais pas si... Il faut que tu remettes ta couronne, il faut que tu t'exprimes. Est-ce que t'es content de cette saison? Est-ce que... Bah, moi, de la perdre, moi, oui. Si tu me demandes. Est-ce non, que mais... t'es content de la perdre, Benoît? Laurent. Non, mais voilà. Tu c'est tu quoi acceptes, l'échec pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Si tu acceptes que Manon... tu m'as dit quoi, là? Qu'est-ce qui représente l'échec pour toi dans une saison de Manon Séricuise? Non, mais... quand tu participes, avoir tes impressions à chaud. Voilà. Quand tu participes à un jeu, quand tu acceptes déjà à la base, quand tu acceptes que Manon fasse un jeu... comme dans n'importe quel jeu, il y a un gagnant et un perdant. Oui, mais c'est mieux de gagner. Quel aurait été l'intérêt que je gagne une nouvelle fois? Ça aurait été la gloire, le bonheur. Non, non, j'aurais prouvé que tu avais ta place sur ce podium. Hein. Non, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà, de temps en temps, il tente de d'avoir des infos, de passer. Ça l'excite, ça l'énerve quand il est derrière, mais voilà, c'est quelqu'un de bien. Et il mérite sa victoire. Voilà, on va et pleurer, plus, je vous l'avais dit. Et en plus, moi, je voudrais signaler une chose, c'est que je vous remercie. Alors, un peu plus, Benoît et Manon, Sylvain, tu es arrivé en cours de saison. Évidemment. Donc, voilà, mais je te remercie aussi. Mais tous les deux, là, alors, la semaine prochaine, j'aurai le temps de remercier Sylvain de tout ce qu'il j'espère apporte. J'espère qu'il n'y aura que moi. mais cette saison, je voudrais une nouvelle fois vous remercier. Quel bonheur de faire cette émission avec vous. C'est vrai que c'est un bonheur. En plus, voilà, moi de mon côté, cette saison, elle est vraiment dingue parce que mon chanteur ressort des titres qui me touchent particulièrement et vous supportez ça. Alors Benoît a du mal, mais il supporte quand même. Et tout ce que vous apportez à l'émission. Alors Manon, je vais pas revenir sur tes montages, sur tout le travail que tu fais pour Destination Série. Je pourrais dire pareil pour Sylvain quand on voit les chroniques qu'il prépare chaque semaine. Et puis Benoît, lui, c'est la valeur ajoutée. C'est lui quand il est pas là, Destination Série n'est pas Destination Série. avec lui, on ne prépare rien. Mais on a l'impression qu'on est connecté dès que l'émission commence. Ça se sent, ouais. On est sur la même longueur d'onde et je peux lui balancer des vertes et des points mûrs. Il reprend la balle, il renvoie. Et voilà. Donc, moi, la seule chose que je dirais, félicitations, Benoît. Et puis, un grand merci pour tout ce que tu apportes depuis des années à l'émission. Un grand merci à Manon pour, même si tu as des chevilles des fois qui scintillent, qui brillent, un grand merci pour tout ce que tu apportes à l'émission. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est pour moi de faire cette émission avec vous. Cette émission ne serait pas comme elle est sans vous. Tout seul, quand j'ai fait des émissions tout seul, des destinations séries tout seul, c'était pas vraiment un plaisir pour moi. J'adore l'équipe conforme et c'est un pur bonheur. Donc là, Benoît, félicitations, tu mérites ton trophée. Et là, le trophée va arriver dans quelques instants. Je laisse Manon lancer ce trophée bien mérité. Alors, juste avant, moi, en tant qu'auditeur, parce que j'étais auditeur avant d'être chroniqueur dans cette émission, et c'est vrai que j'ai vu toute cette évolution, où tu étais souvent plus seul qu'aujourd'hui, et c'est vrai que Manon, qui est arrivé un peu après, mais Benoît, qui est là depuis plus longtemps, ça fait une vraie différence, quoi. On sent la connivence, il y a eu une énergie, enfin tout s'équilibre en fait d'un seul coup. Et puis lui, voilà, tu peux lui poser n'importe quelle question, il peut arriver n'importe quelle info, n'importe quel événement, c'est une Ferrari. C'est Bruce Willis. C'est le Bruce Willis de la radio, sans mentir. Oh, sur ces beaux mots, dis donc. Oui, allez. On va bien dormir cette nuit. J'ai peur, allez. Mais du coup, voilà, Benoît, cette chanson, elle est pour toi. Savoure ta victoire et je l'ai appelé Benoît le boss. Dans le Manon Séris qui a du niveau, trois gars, un micro, des égos un peu trop gros. Y'a Laurent l'ancien, Sylvain l'outsider. Mais c'est Benoît qui répond plus vite qu'un spoiler. Il sourit tout le temps, il dit qu'il est fair play. Mais dès qu'il perd, il grogne, j'avais la bonne réponse, je l'ai juste pas dit. Il connaît toutes les séries, mais c'est pas du hasard. Quand tu bosses pour ça, ira mieux demain, t'as les réponses en retard ou pas. Benoît le boss, c'est lui qui rafle tout. Toujours premier, même quand c'est un peu flou. Il dit qu'il triche pas, juré c'est pas lui. Mais Manon elle a vu les regards avec Laurence ici. Benoît le boss, y'a plus rien à dire. Même Sylvain a tenté de fuir. Mais y'a pas photo, faut lui donner le prix. C'est lui qui gagne cette fois. Laurent perd la couronne. Et quand Manon lance la moindre question, Benoît dégaine sans hésitation. Il a la série dans la tête, le titre en stock. C'est presque flippant, ou alors il est synchrone avec le doc. Il vit les séries, c'est son carburant. À croire qu'il dort avec Netflix en fond tout le temps. Il enchaîne les points, même en râlant un peu. Toujours à fond, même quand c'est flou ou vieux. Faut dire qu'il joue comme il respire, franchement. avec humour, avec style, et très souvent, bruyamment. L'an dernier, c'était Laurent le winner. Cette année, c'est Benoît le boss. Benoît le boss, c'est lui qui rafle tout. Toujours premier, même quand c'est un peu flou. Il dit qu'il triche pas, je sais c'est pas lui. Mais maintenant elle a vu les regards avec Laurent, si, si. Benoît le boss, y'a plus rien à dire. Même Sylvain a tenté de fuir. Mais y'a pas photo, faut lui donner le prix. C'est lui qui gagne cette fois, Laurent perd la couronne. Et quand Manon lance la moindre question, Benoît dégaine sans hésitation. Il a la série dans la tête, le titre en stock. C'est presque flippant, ou alors il est synchrone avec le doc. Il vit les séries, c'est son carburant. À croire qu'il dort avec Netflix en fond tout le temps. Il enchaîne les points, même en râlant un peu. Toujours à fond, même quand c'est flou ou vieux. Faut dire qu'il joue comme il respire, franchement. Avec humour, avec style, et très souvent, bruyamment. L'an dernier, c'était Laurent le winner. Cette année, c'est Benoît le boss. Benoît le boss, c'est lui qui rafle tout. Il râle, il fonce, il répond de bon cœur. Félicitations, t'as bien mérité ton cadeau, c'est cette chanson. Et les jaloux peuvent râler. Voilà, voilà. Alors, voilà. Avant de donner le niveau des compliments. Hein. Avant, ouais, mais franchement, mais avant de donner mon avis, je tiens à te signaler, Manon, que tu as les félicitations de France. Eh ben, merci, France. La France ou de France? C'est la France. Ouais. Bah, de la France entière et de France. Bravo à Manon. Et, voilà. Et non, franchement, la saison prochaine, on va la repasser en boucle. Non, mais je la ça trouve fait, bien. Ça fait très chanson de l'été. Oui. Tu vois, je voulais une chanson qui était entraînante. C'est un peu voilà. Swing, ouais, c'est magnifique, merci. Et puis quand arrivent des couplets, ça pulse. Ouais. Et puis on a même. Oui, j'étais flatté d'être dans la chanson, c'est pas quand même. Même si je suis l'outsider, c'est pas grave. Au alors, si je peux lancer un message. Oui. On parlait tout à l'heure de la France et de ses chansons. Si je peux lancer un message à tous les producteurs, les paroliers, contactez Manon. Hein, ah mais je m'éclate à faire les paroles. Vraiment, parce que ça, si vous voulez une chanson punchy qui a de la gueule, alors le seul truc, je te rejoins, c'est un peu le problème que j'ai eu avec le pré-générique, c'est que pour le moment, l'IA, il y a certains mots, certaines prononciations qui est pas top. J'essaie de régler ça, mais enfin, en l'écrivant différemment les mots et tout, mais ça marche pas. C'est dans ta. Hein. Parce que moi je suis un peu de la partie, mais bon, oui, faut écrire en phonétique en fait, c'est ça. C'est ça, et j'ai essayé de changer les mots et tout, mais il faut pas penser en français. Quiz, c'est non. Penser en phonétique. Parce que pour avoir écouté ce que fait aussi entre parenthèses Sylvain, on reconnaît pas l'IA. Bah, l'IA est un outil, c'est pas un remplaçant. Il fait pas le travail à votre place. Hein. Attention, il y a différentes utilisations. Moi j'utilise beaucoup l'IA parce que je fais de la musique, je compose, je fais beaucoup de choses. Mais l'IA est un outil et ne me remplace pas en aucun cas. C'est un support, c'est un assistant, voilà. En tout cas, une nouvelle fois, je félicite Benoît pour sa victoire. Merci. Une nouvelle fois, je lui souhaite une bonne fête. Merci, Manon. Et je te félicite, Manon. Oui, félicitations. Je te félicite une nouvelle fois pour ta chronique de septembre jusqu'à maintenant et pour cette chanson, franchement. Ce que j'adore, c'est qu'elle est différente de celle que moi, hein, de la mienne. Et je la trouve excellente, franchement. Est-ce que je peux choisir le thème de ma musique pour l'année prochaine? Bah, il faut que tu gagnes avant. Non, mais je voudrais déjà réserver une victoire de Sylvain l'année prochaine. Ouais, il faut mais que j'ai tu t'entraînes. Projet, j'ai un projet. Ah, mais ce sera un sérieux candidat. Hein. Laurent, il va falloir surveiller. Hein, oui. Surveiller parce qu'il était quand même, regarde, il a quand même 4 ou 5 points. Il a 6. 6 points. Wow. 6 points en. Il a récupéré pas mal de points si on faisait un compte. Franchement, voilà, je participe à un jeu, je suis pas là pour me dire il faut absolument que je gagne. Oui, non, mais je voilà, sais bien. On verra bien c'est... qui. Non, c'est juste le talent, c'est tout. On verra bien, voilà, on verra bien qui gagnera, qui aura le talent pour la saison 3 du Manon. Donc ce sera moi, je choisirai le thème de ma chanson. Voilà, donc ça sera Sylvain, on prend note. Ainsi s'achève cet avant-dernier numéro de Destination Série. La semaine prochaine, on vous proposera le final de la 23e saison. Et si tout va dans le bon sens, on vous retrouvera en septembre pour le lancement de la 24e saison. Et c'est dans les tablettes. Et peut-être qu'il y aura mon nom au générique. C'est dans les tuyaux aussi. Wow. Et pour le retour de l'émission, j'en profite qu'on soit encore ensemble, tous les quatre, pour le retour de l'émission en septembre, pour le premier épisode, Soul Machine sera avec nous. Wow. Il sera par téléphone. C'est génial. Et voilà, nous retrouvons notre parrain, c'est le parrain. C'est ça. C'est donc, notre parrain. Il sera là pour, avec nous, lancer la 24e saison de cette émission. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec Sylvain pour le final. Et là maintenant, sur Fadjet. Ça va faire presque aussi bien sans eux, ce sera difficile. Ça sera difficile et surtout, ils vont bien nous manquer. Oh oui. Mais pour l'heure, voici le final de « Ça ira mieux demain », un numéro entièrement piloté par Benoît et bien épaulé par Manon, si elle le veut bien.